la merde. Et on emmerde la police, on fout d'avoir en coulisses. T'as pas à faire un autiste, lisse sur mes poils dressés. Agressé, je suis comptable, veux m'adresser la parole ou me dresser. Un procès verbal. Ici en France, les miens meurent par accoutumance ou bien par balle. Et s'il y a danger, quand j'ai une âme très bien rangée, quand j'ai, faut surtout pas y songer. Mon avenir est sombre, et même mon ombre me fait peur. J'ai cœur, ma femme, mes messages, j'ai que R, un grand cœur. J'ai ces vrais sombres plis en retrait. Ma retraite, je sais que beaucoup de M s'y la souhaiteraient. Mais R, c'est du concret, pas de langue ni de la craie. Mais le dur du fer, surtout quand celui-ci il crée. Pendant que tu t'amuses, certains accusent le coup, d'autres nous accusent, abusent de nous quand on est sous. La violence règne, et c'est nos fils qui sait. Belle dans cette atmosphère où le diable règne en roi. Tu crois, mais tu joues le jeu de la proie. La violence règne, et c'est nos fils qui saignent. Belle dans cette atmosphère où le diable règne en roi. Tu crois, mais tu joues le jeu de la proie. Y'a combien de jeunes qui rêvent de grosses voitures, de grosses montures, de grosses mamelles, pas siliconées mais bien nature. Combien jouent les durs mais au fond sont des doudous. Pour combien la prison est un collier accroché à leur cou. On avance comme des aveugles dans la pénombre. Nombre d'entre nous ne verront pas le bout du tunnel. Fou d'elle, on a failli me ramasser à la pêche, dérouler une pelle. Aujourd'hui j'attends mon appel. La justice de l'homme, rien que du vice. Lorsque la justice de Dieu vaincra, on sera tous moins tristes. La justice, sa mère et son père aussi. La justice, sa mère et son père aussi, aussi. La violence règne, et c'est nos fils qui saignent. Peine dans cette atmosphère où le diable lui règne en roi. Tu crois, mais tu joues le jeu de la proie. La proie des souffrances sous ce putain de chemin. La violence règne, et c'est nos fils qui saignent. Peine dans cette atmosphère où le diable lui règne en roi. Tu crois, mais tu joues le jeu de la proie. La proie des souffrances. Le mal tourne autour de nous comme si c'était un vautour. La violence notre dernier recours, mais finir comme tout pas chaque cours. Des bastos dans le corps, plein de bijoux dans le coffre fort. Et on basque vite de bâbord à tribord. J'ai longtemps cru que la femme n'était qu'un trou, un objet qui te menait à bout ou te traînait dans la boue. Au bout du compte, la femme est bel et bien un être humain. Et ceux qui pensent le contraire, ceux qui sont inhumains. On vit pour paraître, se soustraire par question. Alors que la vie est brève, la mort elle joue pas l'hameçon à son tour. C'est elle qui nous frappe en cours de route. Des trompes, la vie n'est pas un concours. Finir comme Jacques Mesrine dans les rues de Clignancourt. Ou finir la tête dans un bouquin à Beaubourg. La violence règne, et c'est nos fils qui saignent. Peine dans cette atmosphère où le diable règne en roi. Tu crois, mais tu joues le jeu de la proie. La roi des souffrances sur ce putain de chemin. La violence règne, et c'est nos fils qui saignent. Peine dans cette atmosphère où le diable règne en roi. Tu crois, mais tu joues le jeu de la proie. La roi des souffrances. La violence règne, et c'est nos fils qui saignent. Peine dans cette atmosphère où le diable règne en roi. Tu crois, mais tu joues le jeu de la roi. La roi des souffrances, sur ce putain de chemin. La violence règne, et c'est nos fils qui saignent. Peine dans cette atmosphère où le diable règne en roi. Tu crois, mais tu joues le jeu de la roi. La roi des souffrances, sur ce putain de chemin. La violence règne, et c'est nos fils qui saignent. Peine dans cette atmosphère où le diable règne en roi. Tu crois, mais tu joues le jeu de la proie. La proie des souffrances sur ce chemin de croix. Ouais. One love pour le 2000. Ouais. À DJ Maze.